Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous sommes actuellement au niveau du port de Perpignan. La nuit vient de tomber. On entend juste encore quelques grillons. Le bruit de quelques grillons résonnait au loin. Le bruit des quelques vagues qui tranquillement s'échouent au niveau de la jetée. Au niveau du vieux port et des quelques bâtisses qui s'y trouvent, quelques marins et voyageurs déambulent. Un petit peu éméché. Tandis qu'un groupe s'infiltre à travers les ombres de la ville, passant de ruine en ruine et s'infiltrant derrière des quatre caisses, des tas de caisses, passant par des entrepôts vides prévus préalablement. Ce groupe en question, c'est vous. Et juste devant, à travers une petite fenêtre en bois, vous avez vu sur un navire. Un navire sur lequel se trouvent de drôles d'oiseaux, vêtus de noir, qui vaquent à leurs occupations habituelles. J'aimerais vous demander, de manière rétroactive, à l'aide de flashbacks que vous pourrez utiliser à votre gré durant cette scène, quel a été le plan mis en place pour vous emparer du bateau? La force, la discussion, la ruse? Aucun. Peut-être avez-vous prévu de le couler ou au contraire de trahir les anabaptistes? Dans tous les cas, voilà, je vais vous laisser 5 petites minutes pour débriefer, partir sur un petit plan, celui que vous aviez imaginé. Et vous aurez le droit tout au long, de manière rétroactive encore une fois, d'user certaines choses. Peut-être par exemple que vous n'êtes pas venu seul, peut-être que vous êtes venu avec Lilith, peut-être que vous êtes venu, je ne sais pas, à vous de me dire. Là-dessus, je vous écoute. Moi je fais bien un petit récap concrètement de toute cette histoire-là de bateau, etc. Parce que j'ai des petits soucis de mémoire, donc si jamais on peut m'aider, ça serait gentil. Le résumé, c'est que Lito avait fait la promesse à Isabella de faire des trucs pour elle et tout ça, et parmi les problèmes qu'elle avait, il y avait les pirates là, de la nuée noire, et j'avais promis qu'on allait la débarrasser de la nuée noire, donc soit couler le navire, soit le voler. Moi, je suis dans l'idée de le voler pour transporter les troupes à la Baptiste qu'on devait récupérer. Ok, ok. Oui, je me souvenais déjà à Méthane qui gênait, j'avais oublié la partie que c'était elle aussi. Avec les... Alors bon, c'est pas des Méthane, hein, c'est des... Oui, mais il y a plusieurs choses à faire en fait dans tout ce qu'elle nous a demandé. Défoncer les Méthane qui sont à côté de la forteresse. Il y a elle est sur le point d'aller défoncer déjà Méthane, ce qui normalement fout la merde parce que bah ça fait longtemps que la guerre entre les deux est finie, voilà. Que ça serait très tendu mais de nous, le faire. Mais nous, on va tout péter en fait. Le plan, je propose, on descend tout le monde. Du coup, bon, du coup, déjà, on part sur l'idée de le voler plutôt que le détruire, parce que effectivement, c'est très intelligent ce que dit Lito de partir sur l'idée de garder le bateau pour pouvoir transporter les troupes. Pour le coup, c'est plutôt bien vu. Question du coup, ouais, quelle approche Moi, je suis déjà pas pour la manière forte. Y aller, buter tout le monde, ça me paraît quand même assez violent et pas forcément nécessaire. C'est la nuit noire, c'est ça? Nuit noire. Ouais. Ouais. La nuit noire. Moi, je pense qu'il y a un moyen de le faire de manière semi-brute. Oula. Lito. C'est-à-dire. Pas mot croche. Hein. J'ai une question. Exactement. Juste avant de commencer. Est-ce que c'est mon cerveau qui fait n'importe quoi, mais il me semble qu'à Toulon, il y a aussi une nuée noire, non? Oui. Oui, c'est un énorme clan qui fait régner visiblement. Ok, voilà. Donc, il y a bien un lien entre les deux. Oui. Oui, c'est les mêmes. C'est, en fait, c'est des, okay. C'est des pirates de Méditerranée. Donc, tout ce qui est au bord de la Méditerranée. Mais sont... Parfait. Mais du coup, ça fait que... Bah du coup, je t'écoute pour ton plan, mais moi, je veux juste qu'on garde en tête que, de souvenir, on avait quand même eu l'idée d'être en contact avec la nuée noire à Toulon, à un moment ou à un autre, pour un truc. Donc, si on peut éviter de devenir leur ennemi officiellement, voilà, ça peut être pas mal. Ouais, je pense que ça va être mal passé. Bon, bref, le plan. Je t'écoute. Nous avons à notre disposition, bon, pas disposition immédiate, mais j'imagine que dans cette idée de flashback, il y aura peut-être l'impossibilité qu'on y ait eu accès. Nous avons... 3 caisses d'explosifs. Nous en devons 2 à, je ne sais plus, à notre ami Eisenhower. Eisenhower. Et nous en avons une que... Est-ce qu'on en fait? Je sais pas. Alors, jusqu'à présent, j'étais plutôt dans l'idée de l'utiliser une fois qu'on serait de retour à Toulon. Mais... je pense que ça peut être utile de... l'introduire sur le bateau, d'une manière ou d'une autre, de nous introduire sur le bateau, de nous révéler, de révéler qu'il y a des explosifs, et tout simplement de leur dire, bah, vous quittez le bateau, ou vous coulez avec le bateau. Et avec nous, mais on s'en fiche. C'est un peu frontal, non ? C'est un peu frontal, mais c'est un frontalisme qui ne nécessitera pas de tuer tout le monde. Peut-être d'en tuer un ou deux pour se faire le chemin jusqu'à là où ça compte, mais c'est tout. Ouais. Bah sinon, c'est quelque chose de plus consignant, mais voilà. Mais moi, sinon, je joue. Après, on peut peut-être réfléchir à plutôt de la ruse, quelque chose comme ça. Bah, vas-y. Je sais pas, moi je... déjà à savoir combien il y a de personnes, combien en étant pas trop loin, on peut voir visuellement comme ça combien il y a de personnes sur le bateau. Ils sont entre 10 et 15. Ouais, 10 et 15. Tranquille. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres plans. Hein. Mais après, c'est comment tu vas. Faut penser à l'après. Comment tu vas gérer. Mettons, ils coopèrent, ils descendent. Comment tu vas gérer l'après, en fait? Parce que. Ils vont pas. Même s'ils sont sortis du bateau, mettons, on y va. Peut-être à un moment, ils vont nous suivre ou ils vont pas. Dire oh ben mince, on s'en va, on a plus de bateau. Eh bien, une fois qu'on a le bateau, on largue les amarres vers. Attendez, faut que je trouve ma map. Vers genre Montpellier, où on aura donné rendez-vous aux troupes anabaptistes qu'on nous a promis et on les amène jusqu'à Toulon avec ce bateau. Ok. À la limite, si vous voulez. S'ils refusent de coopérer. Bon, est-ce qu'il y a des provisions? On fait exploser le navire avec nous dedans. Ouais, j'avoue. Enfin, on sautera du navire, mais on le fera sauter. Est-ce qu'il y a des provisions, des trucs, un hangar, un entrepôt juste à côté du navire? Est-ce qu'ils ont Il y a plusieurs hangars et entrepôts tout autour du port. Donc le navire se trouve en effet à proximité. Il y a un petit espace quand même qui laisse, qui sert à décharger les différentes cargaisons. Mais voilà, rien de plus. Et est-ce qu'il y a l'air d'avoir quelque chose qui leur appartient plus ou quoi, ou un endroit où ils stockent leurs trucs à eux ou quoi? Pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Peut-être tu regardes un petit peu celui juste en face du vôtre, mais tu saurais dire si jamais il y a beaucoup de voilà, si... ils ont pas forcément l'air d'être vraiment comment dire surtout de en plus de ce que vous savez. Ils sont pas là en permanence, en réalité, oui, c'est plutôt la Corse. Mais voilà, de temps en temps, ils font escale ici et là, et en ce moment, ça fait quelques temps qu'ils traînent du côté de Perpignan. Mais il n'y a pas un moment où ils descendent à, je sais pas, boire un coup, faire la bringue? Ils vont pas rester totalement tout le temps dans leur bateau? Il y a quelques allées et venues, il y en a qui vont récupérer quelques affaires, il y en a certains qui reviennent même, qui rentrent de la ville un peu bourrés, en titubant. Tandis que d'autres, à leur tour, vont repartir derrière. Moi, alors, moi, ce que je vous conseille, ce que je peux vous proposer, c'est que on joue un petit peu la le truc en mode patient. Et vu qu'ils descendent jamais tous ensemble, il y a toujours du monde et que ça sort un petit peu en mode 2 ou 3 à chaque fois. S'il y en a qui, parce que la nuée, ils aiment bien picoler, hein, ça se bourre la gueule, ça machin. Et ben, on les enlève petit à petit. Genre, il y en a 3 qui y vont, ils vont être bourrés. On les chope quand ils sont bourrés, on les tabasse, on les balance, je ne sais pas où. Du coup, forcément, y en a 2 autres qui vont sortir, ils vont aller peut-être les chercher. Boum, on les prend et tabasse. Donc jusqu'au moment, ça va quand même vachement réduire le truc. Jusqu'au moment où ils vont être 5, on va arriver comme des bourrins, on les défonce tous et puis on n'en parle plus, quoi. Donc en même temps, on a défoncé la nuée et on a récupéré un bateau. Ça se tente. Ça se tente après. Pourquoi pas, même si ça... Mais il faut prendre en compte la possibilité qu'on n'arrive pas à les neutraliser assez rapidement pour qu'ils n'aient pas le temps d'appeler leurs amis à l'aide, et là on se retrouve avec les 15 sur nous. S'ils sont bourrés et qu'ils sont en ville, ils vont pas avoir le temps d'aller les chercher. Toric, je sais que... Vous avez sûrement pas l'habitude d'être alcoolisé ou ce genre de choses, mais le taux d'alcool dans le sang n'appelle pas de hurler comme un goré. Oui, mais alors, est-ce que la taverne ou l'endroit où ils vont picoler, c'est juste à côté du bateau? Non, ça, tu sais pas trop. Certains ont l'air un petit peu de disperser en ville, et probablement que tous ne vont même pas au même endroit, en fait. Vous observez un petit peu les allées et venues. Voilà, et on les suit. Ont l'air plus de disparaître. On les suit, et puis... Quand ils vont dans un coin, bam! Et si on organisait une giga teuf à côté du bateau, comme ça, ils y vont tous, et pendant qu'ils sont on chourre le bateau. On n'a pas d'argent pour c'est ça. C'est très très gros. En vrai, c'est tellement gros que ça ne peut pas passer, mais ça peut tellement pas passer que je me dis qu'il y a moyen que ça passe. Ouais, mais on n'a pas de thune pour ça. Pour faire une giga teuf, faudrait avoir la maille pour pouvoir la vous financer. Vous avez eu du budget de la part des orgastiques, enfin de Isabella. Ça fait je ne vous ai pas de non plus demandé de le faire avec 3 francs 6 sous. Ouais, non, mais autant qu'on utilise ça pour autre chose. Là, on peut les marave petit à petit, on les chope dans un coin, on les défonce. Attends, merde, on défonce des gars dans tous les sens, c'est pas 3 pélos qui vont nous casser les bonbons. Bon, en tout cas, je sais pas si c'est faisable de comment dire. Je pense qu'il faut un peu prendre tous les aspects des plans, enfin du plan, et enfin, c'est-à-dire que je pense pas que ce soit très faisable de tous leur péter la gueule un dedans, à l'arrière, enfin quand ils sortent du bateau. Au pire, on se fait les quelques-uns qui sont dehors. Puis on monte discretos et on se les fait aussi quelques-uns en mode discretos. Puis voilà. Ouais, bon, on les réduit, on réduit l'équipage et après, quand il y en a suffisamment en moins, on y va. Voilà. On utilise quand même la menace de l'explosif ou pas, une fois qu'on est à bord. Ça dépend combien il y en a en fait. On garde ça en dernière course, si jamais on se fait encercler, qu'ils sont trop nombreux. Voilà, tu les gardes sur les côtés, tu gardes 3 ou 4 bâtons de dynamite. Genre, hey, regarde ce que j'ai dans les mains, connard. Je te fais une ceinture. Donc voilà, moi, on propose un espèce de programme Assassin's Creed. On bute un maximum le dehors. Et ensuite, on rame dedans et on bute un maximum discretos dès qu'on est repéré. C'est ça. Blam. Voilà. Moi, je suis OK pour ça. Ça me va. C'est comme ça, il n'y aura pas de témoins. Non, mais il n'y aura pas de témoins. Du coup, la nuée noire. Je suis d'accord. Il y aura piqué leur matelot. C'est un bon compromis, moi, de ce qu'il me fallait. Je suis. D'accord. J'avais l'impression que mon plan était moins violent que ça, mais si vous voulez. Ouais, mais une nuée noire. Puis de il toute est façon, trop frontal. Il est moins violent, mais trop frontal. C'est des pis, comment dire, je sais plus que c'est quoi leur clan là. Apocalyptique, voilà, donc voilà, qu'ils soient morts. Ouais, ils vont mourir tôt, ils sont heureux, ils préfèrent mourir jeunes de toute façon. On leur épargne quelques MST, c'est déjà bien assez. Écoute, c'est l'expérience qui parle, qu'est-ce que je te dise. Ok, du coup vous tentez de les faire disparaître les uns après les autres, c'est ça, vous les traquez dans la ville, ouais. Vous les faites disparaître dans les ombres directement, c'est bien ça. C'est ça. Eh bien je vais tous vous demander un test cumulé, donc un double test. Le premier sera Agility Stealth, je vais vous donner si vous voulez le nombre de dés à jeter. Et le deuxième sera Body Melee. Sachant que je ne compte même pas le nombre de succès, c'est juste ce qui m'intéresse, c'est de savoir si quelqu'un fait un échec critique. Est-ce que vous voulez que je vous donne le nombre de dés que vous avez acheté? Moi j'en avais 3. Ok. J'ai fait. Moi je veux bien, okay. Parce que j'ai pas encore le miroir ouvert, parce que je vais regarder avec mon navigateur. Du coup, de ton côté, Flux, ouais. Tu vas jeter pour commencer 2 dés. Okay. Suivi je de 5 dés. Okay. Sachant qu'il ne faut pas faire d'échec critique, c'est tout ce qui t'intéresse. Il ne faut pas faire plus de 1 que de réussite. Ok. Bah, premier jet, c'est une réussite, tout court. Mm-hmm. Ça passe. Et deuxième jet, 5 dés 6. C'est bon, c'est 1, 2, 3. Alors, je suis sur Dice Log, hein, c'est pour ça que j'ai cheaté. 4 réussites, dont un déclencheur. 4 réussites, un déclencheur. Ok, super. Ouais, c'est Dice Log, c'est pété. Le deuxième jet, c'est quoi? Le deuxième jet, c'est Body Melee. Autre. Oh. Alors. Ok. Aucun échec critique à signaler, que ce soit pour le stealth ou pour le melee. Super. Vous vous infiltrez dans les ombres. De ton côté, Jacquard, tu vas en suivre certains le long d'une ruelle. À un moment, l'un d'entre eux s'arrête pour aller pisser. Tu vois, il disparaît un petit peu entre deux bâtiments. Au moment où il se retourne, ton épaisse main se fond sur son visage. Et l'instant d'après, il n'est plus là. Quelques instants plus tard, l'un de ses camarades qui se trouvait va venir le chercher. Il l'appelle quelques fois. Mais lorsqu'il s'approche, Lito, qui était caché derrière une poutre en bois, lui fonce dessus et lui éclate le visage contre le mur. Pendant ce temps-là, la nuit est toujours complètement ignorante de ce qui est en train de se passer. Deux hommes se dirigent de l'autre côté de la ville ensemble. Lorsqu'ils tombent sur la silhouette de Torik qui leur barre le chemin. Est-ce que vous êtes venu seul ou accompagné de quelques orgiastiques qu'on vous a gentiment prêtés? Alors la question que je me posais, c'était si... s'il y avait eu la possibilité, comme ce que j'avais dit, c'est-à-dire que dans l'idée où on vole le bateau, on avait déjà, on va dire, les troupes qui nous avaient été promis, qui étaient disponibles, qu'on aurait envoyées vers l'autre ville pour les rattraper ou pas? Alors, pas toutes, mais certaines. Moi, je pense qu'on en a forcément, parce que de toute façon... Alors, c'est quoi comme bateau? C'est C'est plutôt une espèce de petit brick. Ouais, donc, enfin, 4 pour être géré ça, pour naviguer. Ça fait presque un peu plus petit quand même, parce que même brick c'était ça. Je m'en rappelle, enfin, souviens, il y a quand même quelques hommes. On aurait. Isabella nous aurait donné combien d'hommes pour cette opération, plus ou moins? Elle vous en aurait laissé une dizaine. Ok, bah, je pense qu'honnêtement on a la dizaine avec nous. Hein. Ok. On a donc. Après, peut-être qu'on en a que 4 genre, qui font l'opération active avec nous, les autres qui sont en arrière, pour au cas où il y a un souci, ils arrivent. Nous avons donc Torik et ces fameux hommes qui sortent. Est-ce que vous avez trouvé une astuce pour vous cacher ou est-ce que vous en foutez? Peut-être s'il y a des chaloupes, je sais pas, moi, sous la bâche de la chaloupe, s'il y en a une ou... Mais là, on est en ville, là, on est en ville. Non, mais là, pour l'instant, c'est Torik et les hommes, donc à la limite, les autres, Jacquard peut très bien se trouver sous une chaloupe. Si tu veux, je pense que je les laisse rentrer dans la ruelle. Et nous, on arrive derrière eux. Et genre, si au moment où ils font le demi-tour, on arrive dans leur sens, en mode pacifique, quoi. Mais dès qu'on arrive à côté... Ok. Dès que vous arrivez à côté, vous commencez à les frapper, à les envoyer valser. Et quelques instants plus tard, ils vont se retrouver ligotés... dans des buissons. L'opération continue. Jacquard, tu m'as dit que tu t'approchais plutôt de chaloupes bâchées. Quel est le plan exactement? Dès qu'il y en a un qui passe à côté, je l'embarque dans la chaloupe avec le bras mécanique. C'est exactement, tu t'exécutes. Dès qu'il y en a un qui passe à côté, tu commences à le choper. Aussitôt, tu l'envoies valser. Et les corps commence à s'entasser à l'intérieur de la chaloupe. Vous avez eu le temps de préparer cette opération, vous vous êtes entraîné et vous avez effectué de bons résultats. Est-ce que j'ai fait agir tout le monde, il me semble? Reflux, j'ai pas entendu. Reflux, c'était pas Clito? Bon bah pareil, hein, Reflux. T'arrives à te débrouiller, peut-être que toi plutôt tu les effraies, à toi de me dire. Non, je vais partir du principe aussi, de même si c'est pas ma spécialité, de quand même les mettre out, parce que c'est le principe. Coup de poing, choc électrique. L'un d'entre eux se fait du coup taser par Efflux. Et petit à petit, leur nombre commence à diminuer au sein des ruelles. Vous en avez, en tout pour tout, éliminé au moins 7. Vous et vos hommes. Ce qui est déjà énorme, honnêtement, vous pourrez pas faire plus. Je vous laisse activer la deuxième partie du plan. De toute façon, tous ne sortiront jamais du bateau. Bah, de toute façon, là, je pense qu'on peut venir avec tous les hommes qu'on a, du coup... On sait pas vraiment combien de gars il reste dans le bateau. On en a, grosso merdo, on en a défoncé combien là? 7. Donc si on part du principe qu'ils étaient 15, il en reste 8. C'est ça. Donc si on vient les 10 gars plus nous 4, on est 14. La logique voudrait que on se débarrasse rapidement de qu'on les défonce, même. Après, à voir si on les jette à l'eau, si on s'en va et on les ligote, on les emmène avec nous et en pleine mer, on les balance dans l'eau. Non, mais. Efflux, on voulait que ce soit non létal, je crois, de souvenir. Mais on les jette à l'eau, après, ils vous qui nagent, c'est tout. Jette à l'eau, mais que écoute, c'est allez, la nuit noire qui fait chier. Qui fait chier la petite copine de Lito. Comment ça? ils sont un poids sur les épaules du peuple qui ne peuvent pas continuer avec des pillards comme ça sur la Méditerranée. Voilà, donc on rend service. J'ai surtout une préférence pour que ce soit surtout non frontal. Avec bonus non létal, mais je sais bien qu'il faut faire des concessions. Mais ce sont des pirates. Voilà. C'est pas une perte pour l'humanité, hein. C'est ça, il tue, il viole. Soyez pas non plus trop dégueulasse, hein, moralement, hein, voilà, hein, on se calme, on parle quand même de tuer des gens. C'est des pirates. Ils servent à rien. Ouais, voilà, c'est des apocalyptiques, c'est pas des gens. Mais on leur rend service, ils aiment mourir jeunes, ces gens. Merde. Ils ont la mort dans le sang. Enfin bref, bon, on fait ça, on y va, et hop. Et on y va. Vous débarquez. Vous débarquez donc au niveau du quai, de manière... de quelle manière? Discrète, frontale? Naturelle, nonchalante? Sur le rythme de la musique. En mode sérieux, tu sais. Ok, donc vous avancez donc... Sûr. En groupe. Et déterminé. Tel un shoot de Peaky Blinders, vous êtes là, les uns à côté des autres. Les sept mercenaires, tu sais. Et vous avancez en direction du bateau. C'est ça. Au-dessus de ce dernier se trouvent deux hommes. L'un d'entre eux est armé d'un fusil, et lorsque vous approchez un peu trop, le pointe dans votre direction et dit « Oh là, qui va là ?» Et pour faire affaire, t'as besoin de parler au patron. On a du rhum. Rico, il y a des gars qui veulent te parler. Quelques instants plus tard, vous entendez quelques bruits de pas. Et au niveau du haut du bateau, qui vous domine, hein, d'ailleurs, il y a une planche qui relie le port, enfin le quai, au bateau, et cette dernière n'est pas droite. Ces gars vous dominent. Vous voyez la silhouette d'une apocalyptique. Elle a environ la quarantaine. Des cheveux qui commencent légèrement à blanchir, même si elle a un visage qui fait assez jeune. Elle est vêtue d'une espèce de tenue un peu rapiécée qui en effet possède tout un attirail de pistolets. Un chapeau et des bottes de marin. Ce qui fait d'elle, probablement, en tout cas, la capitaine de ces lieux. Une espèce d'aura d'autorité l'entoure, notamment lorsqu'elle s'approche à votre niveau, puisque tous ces hommes commencent à la rejoindre. Tous ces hommes, c'est-à-dire combien? Ils sont actuellement 10. Elle compris. Ouais. Et pour affaire. Vous devez vous tromper, on n'est que de simples marchands. Mais on justement, a une super affaire. Les marchands font affaire, non? Eh ben, dites-moi votre affaire. Je me tourne vers toi. Si on se rapproche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il nous laisse? Est-ce que Jacquard, il peut se rapprocher sans que... Tu fais un pas en avant et à ce moment-là, tu les vois tous lever un peu leur arme dans ta direction. Tout doux, te dit l'un d'entre eux. Restez à bonne distance. Est-ce qu'il y en a au moins un d'entre eux qui a apporté? Celui qui surveillait là, avec son fusil. Malheureusement, il est au-dessus du coup de la planche, la fameuse planche qui relie le quai au niveau du bateau. Donc il serait à portée dans l'optique où tu t'es lancé en avant par exemple. Mais là, si tu tends le bras, tu peux pas le choper. Bah en fait, ce marché, c'est très simple. On va prendre ce bateau, en échange, on vous laisse la vie sauve. Tu vois qu'ils se mettent tous à rire en cœur. Et d'un seul coup, ça s'arrête. Et là-dessus, je vais sortir mon flingue et je vais tirer sur le mec. Allez, c'est parti. Voilà. Et ils ont tous des flingues, mec. On n'a rien pour tirer dessus. Tu dégaines ton arme. Tu le pointes dans sa direction. Fais-moi un petit test d'arme à projectile. Agilité, arme à projectile. Compétence dans laquelle tu as 6 dés. Oh. Je peux aller monter à l'intérieur. 5 réussites. 5 réussites. Ok. Tu dégaines ton arme, tu le pointes dans sa direction, t'appuies sur la gâchette. Pouf! D'un seul coup, tu vois devant toi le corps de l'apocalyptique qui explose, son bras qui explose, et du sang qui vous asperge tous. Les uns face aux autres, vous avez le visage recouvert de sang. À partir de ce moment-là, tous commencent à dégainer leurs armes. Ils les pointent dans votre direction. Et le combat commence. Dites-moi tout ce que vous faites. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, c'est sortir du combat. Ok, tu pars en arrière. Alors, je vais dire comment je fais. En réalité... Ouais. Je vais, en gros, mon projet, c'est de foncer vers la capitaine. En gros, de la tacler et de l'emporter avec moi, on va dire, dans l'eau. Tu vois, parce que j'imagine qu'on est un peu devant le bateau, tu vois. Du coup, il y a un peu le vide entre le bateau et le... Oui, exactement. Il y a un bon mètre cinquante de voilà. Espace. En fait. Juste de sortir du combat, de l'amener avec moi et juste on fait notre truc dans l'eau. Tu te jettes dessus et tu tentes de la tirer en bas. Fais-moi un test de body athletics. Body athletics puis body force. Que je vais opposer à un test de défense de son côté. Compétences dans lesquelles tu as donc body 3, athlétisme 4, donc tu as 7. Okay. Alors pour celui d'athlétisme, j'ai 5 réussites dans 2 déclencheurs. Alors 5 réussites dans 2 déclencheurs, pas mal. Et ensuite body force. Voilà. Et force, c'est parti. 5 réussites dont 2 déclencheurs. La même chose exactement. Eh bien, sur 7 dés, j'ai fait 6 réussites dont 3 déclencheurs. Tu le jettes dans sa direction, elle. Et au moment où tu l'attrapes, tu sens une espèce de force colossale s'emparer d'elle, comme si elle était sous 5 kilos de brûlure. Et c'est elle qui va te projeter au niveau du bateau. Vous voyez Lito tenter une action un petit peu suicidaire, puis disparaître au niveau du pont. Ce serait ça pour le top, ok. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Et du coup, je peux jouer, moi, ou pas? Oui, tu peux jouer. Tu viens de tirer, non? C'est pour ça que je demande. Ouais, mais c'est comme ça qu'il a enclenché le combat, donc le combat a commencé après. D'accord. C'était le round de surprise. Ok, alors du coup, moi j'aimerais foncer dans le tas. Et du coup, alors, je me souviens plus exactement comment ça marche parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais j'ai un potentiel, donc je crois qu'il était bon, qui s'appelle Hammer Blow. Mais je me souviens plus, c'est quoi la traduction? Alors, Hammer Blow, je sais pas non plus. Alors, attends, j'ai trouvé ça. Le marteau. Tu blow, c'est genre explosé, enfin. Ouais. Je me demande si c'était pas le potentiel qui servait à... Oui, c'est ça. Ça sert à éviter que tu aies à passer des tours, je crois, avec ton marteau. Normalement, ton marteau a une capacité qui fait que si jamais tu n'obtiens pas un certain nombre de déclencheurs, tu peux pas attaquer avec le tour d'après. Ah oui, ça d'accord. Fait longtemps qu'on n'a pas eu besoin, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas genre fait comme de si gros de la fatigue, quoi. Comme si c'était de la fatigue. Ouais. Okay. C'est ça. Et comment ça marche pour l'utiliser, du coup? Du coup, c'est un passif, en fait. Ok. Normalement, le marteau de juge, si tu fais pas 3 déclencheurs, tu peux pas réattaquer avec le tour d'après. Et ça réduit de 2 déclencheurs. Donc il faut à chaque fois que tu fasses un déclencheur pour pouvoir réattaquer. Ok, très bien. Du coup, je vais essayer de donner un énorme coup dans la masse et d'en toucher le plus possible. Voilà. Parfait. Fais-moi un test de body melee, auquel tu as 7 dés. Ouais. Je vais faire une défense un peu passive pour le coup. Alors, 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Alors, moi, de mon côté, j'ai fait 3 échecs critiques pour une réussite. Tu commences à balayer la zone avec ton marteau, et vous autres, vous voyez voler plusieurs apocalyptiques. Certains tombent dans la flotte tandis que d'autres tombent sur le côté. Dans tous les cas, leurs troupes sont déstabilisées. De leur côté, par contre, ils commencent, les balles commencent à fuser. C'est méchant ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réussites, dont un déclencheur. Tauric et Flux, faites-moi des tests de agilité, mobilité. Tauric, tu as 4, tu as 3 dés à jeter. Flux, tu en as 4. Deux réussites, dont un déclencheur. J'ai utilisé un point d'ego pour en jeter 5 du coup, et j'ai fait 3 réussites dont un déclencheur. Vous entendez le bruit des canons, des pistolets, de la nuée noire qui retentissent. Les balles fusent et la chair implose. Certaines balles traversent, d'autres non. Mais dans tous les cas, le sang commence à couler. Vous allez perdre respectivement, en vérifiant vos capacités d'armure. Tac. Ok. Vous perdez tous les deux 12 points de vie. Quoi ? D'autres orgiastiques sont touchés. Tandis que ces derniers commencent à courir en trombe au niveau de la planche. Attends, t'as malgré bien... tout, que ce soit Flux et Tauric, les balles que vous êtes en train de vous prendre arrivent pendant que vous étiez en train de faire quelque chose, vous n'étiez pas en train d'attendre votre tour. Et je vais donc vous demander quelle était l'action que vous effectuiez au moment où vous vous êtes fait tirer dessus. Je précise d'ailleurs que les gens qui se sont fait tirer dessus, je les ai déterminés au reste. Bah moi j'avoue que j'étais un peu pris de court de ça parce que honnêtement ils avaient l'avantage sur nous qu'ils étaient en hauteur, qu'ils étaient armés et nous on avait une arme de projectile en soi à part aller au contact. Donc à la limite, moi la seule chose que je peux imaginer, c'est s'il y a des anabaptistes qui commencent à courir pour aller au contact des mecs, ben moi je suis la masse en fait. Donc j'y vais pas moi directement, j'attends qu'il y en ait quelques-uns de nos gars qui y aillent pour, je suis pas con, aller derrière pour un peu atténuer leur... Toi, tu te trouvais derrière et notamment, tu remarques que ta lance te permet d'avoir la portée nécessaire pour en toucher certains. Tu peux donc, si tu veux, effectuer une attaque. Je vais le faire. Hein, t'es la seule personne à pouvoir faire une attaque au corps à corps depuis le quai. Bah, je vais le faire. Hein. Je vais pas me gêner. Hein. Donc, c'est mêlée, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Body mêlée. Alors, j'ai... 4 réussites, dont un déclencheur. Ok. Au moment où tu... Donc, de ton côté, tu t'es fait cribler de balles au moment où tu as réussi à planter ta lance au niveau de l'abdomen d'un ennemi. T'as fait combien de déclencheurs ? Un seul. Ok. T'essayes d'enclencher, du coup, tu sais, ta lame qui ensuite te permet, c'est ça exactement, de se déployer. Ouais. Malheureusement, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à sentir la déflagration. Ouais. Les fameuses, sa déflagration. Et que tu vas t'écrouler. Ok. De ton côté, Flux, quelle était ton action ? Alors moi, c'est l'action plutôt logique que je fais à chaque fois qu'il y a un groupe à affronter, c'est de jouer du coup sur évidemment l'écho du vocodeur pour les affaiblir au maximum et du coup pouvoir prendre l'avantage en groupe. Mm-hmm. C'est un peu ma réaction dès qu'il y a un combat qui se lance. Du coup, moi je partais là-dessus. Ok. Eh bien, je vais te laisser me faire un test cumulé de Intellect Engineering et Psyché Domination. Il me semble que c'est ça, les deux tests. Il me semble aussi. Attends, je cherche ma fiche parce que je me perds dans le miro, moi. Il est là. Donc, je peux te donner directement ton nombre de dés. Donc, c'est 5 dés et 5 dés. Deux fois 5. Ok. Sachant que j'ai utilisé un point d'ego pour chacun des jets. Comme ça, je lance 6 dés à chaque fois. Ça me fait 3 points d'ego pour la partie, ça me va. Et j'ai plutôt bien fait. Parce que, du coup, le premier jet, c'est 3 réussites, dont un déclencheur. Le deuxième jet, c'est... Ça a l'air d'être un peu mieux. 1, 2, 3, 4 réussites et un seul déclencheur encore. Ok. D'un seul coup, le vocodeur commence à résonner et ta voix commence à se propager violemment au niveau du bateau. Ceux qui n'avaient pas été frappés par le marteau de Jacquard sont désormais frappés par le son intense du vocodeur. En réalité, tandis que les orgiastiques qui avaient préalablement mis de la cire dans leurs oreilles se rendent sur le pont et commencent à trancher la chair, et que le sang commence à asperger et à teinter l'eau du port, que les corps commencent à tomber et à flotter, vous êtes en réalité déjà vainqueur de ce combat. Hormis du côté de Lito, qui se trouve actuellement au sol avec Rico, la capitaine, qui se jette sur toi avec une dague à la main. Qu'est-ce que tu fais ? Donc... Je suis où au sol exactement ? Je suis sur le bateau du coup ? C'est ça, exactement, sur le pont. Ok. Entre deux cadavres. Il y en a un qui s'est pris une balle dans la tête par Jacquard, qui a le corps à moitié explosé, et l'autre à côté s'est pris un coup de spadon. D'accord. Eh bien, je vais profiter du fait qu'elle se jette sur moi. Pour en fait du coup prendre le manche de mon ouais. épée et juste sortir seulement le manche avec la lame qui est au bout. Génial. Pour pouvoir la poignarder avant qu'elle ne me poignarde vu que j'ai l'avantage qu'elle se jette sur moi. Et bien dans ce cas-là, je vais te proposer un test de agilité, dextérité. Ouais, alors Agilité, ce sera donc... J'ai agilité, mais dextérité, je vois pas ce que c'est. Oui, c'est ça. Donc juste 4D dans ce cas. Bon, ce qui est déjà pas mal. Okay. C'est pas mobility ? Non, c'est vraiment dextérité. D'accord. Mobility, c'est vraiment plus pour les déplacements. Dextérité, ça va être la rapidité pour dégainer. D'accord. Enfin, plus l'efficacité pour dégainer, pardon. La rapidité sera plutôt difficile. Ce sera du coup 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Okay. Maintenant, fais-moi un test de psyché réaction, compétence à laquelle tu as 3D. Ok. Ah non, pardon, 4D. Oui, il y a aussi le psyché. Ouais. Donc, ça me fait 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Eh bien, je vais te demander un dernier test, cette fois-ci de body melee, compétence à laquelle tu as 8D. Ok. Alors attends. En tous les cas, tu frapperas avant, t'as réussi à dégainer, t'as réussi à le faire plus rapidement qu'elle. Alors, eh bien ce sera pas génial parce qu'il y a que 3 réussites et aucun déclencheur. Ok. Le corps de Rico tombe à ton niveau et la dague vient se planter directement au niveau de ton oreille. Tranchant au passage un morceau de lobe, mais ratant ta tête de peu. La dague se plante dans le bois et des gouttelettes de sang commencent à couler, à la fois sur le pont et à la fois sur ton visage. En ouvrant les yeux, parce que l'espace d'un instant tu as presque cru qu'il s'agissait de la fin, tu vois la gorge de Rico transpercée par ta lame. Cette dernière ne connaissait probablement pas la fameuse botte secrète anabaptiste. et s'est jeté à ses périls, ses propres périls sur ton corps. Elle est morte. Je vais la faire rouler sur le côté. Ok. Et me relever. Elle roule sur le côté. Tu vois qu'elle fait tomber, elle laisse tomber sa dague, enfin lâche la dernière, pardon. Son chapeau également. Et ses yeux s'éteignent sur le côté. En levant les yeux, tu vois que les orgiastiques ont soit tué, soit maîtrisé le reste de l'équipage. Mais du coup, je vais immédiatement observer et demander. Nous avons des pertes ? À ce moment-là, tu vois plusieurs ascètes qui se trouvaient avec vous, qui sont en train de se précipiter. L'un d'entre eux se range juste devant toi et fait « Aucun fureur, mais nous avons plusieurs blessés graves. » Il va falloir s'occuper de cela. Et on a le matériel nécessaire ? Évidemment. Nous amener... Très bien. De ton côté, Jacquard, qu'est-ce que tu fais ? Oh bah... Peut-être qu'il faudrait faire leur poche à tous ces... Déjà, il y a plein de flingues à rabattre quand même. Il y a Fluxetoric en train de mourir à côté. Il y a des assets qui sont en train de les soigner. Ouais, ouais. Okay. Nous avons une confiance totale en la médecine anabaptiste. Eh bien, je vois ça. Ces années sont un peu en train de se noyer dans leur propre sang. Ah. Mais... En même temps, voilà, pas médecin. Bon, est-ce que je peux essayer d'aider Toric d'une quelconque manière Oh, peut-être qu'on te fera appuyer sur une plaie. Ah, voilà. Ok. Fouillerai les corps après. Et en effet, Flux, tu fais bien de le rappeler, au rouge pourpre sanguinolent de Toric vient se mêler une nuance phosphorescente bleue. Celui de Efflux. La 7, qui est à côté de lui, il dit « Mais c'est quoi ce truc ?» C'est du carburant pour robot ou quoi ? Faites au mieux, faites au mieux. À l'endroit où Efflux s'est fait cribler, il pose sa main et malgré tout, vous apercevez un morceau de chair troué, sanguinolent. Vous ne sauriez en dire plus. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Quelle est la suite du plan ? Eh bien, la suite du plan, j'imagine, de dépendre de quelque chose, c'est... Est-ce que... Parce que du coup, on a fait un petit saut dans le temps, là. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il avait été décidé, du coup, avec Isabella, que juste on prenait le bateau et on partait avec, ou est-ce qu'on a encore tout ce qui est avec les histoires de Jea Methan et tout ça à régler aux forteresses ? Évidemment, il faut retourner à la forteresse pour régler le reste. Ok. Alors, mon avis... du plan qu'on a fait en avance, ça aurait été qu'une fois qu'on avait le bateau, on disait à nos 10 anabaptistes qui étaient avec nous de prendre le bateau, de le ramener à Toulon, et en gros de s'y placer là, et ça fait déjà des hommes en avance par rapport à ceux qu'on est censé recevoir. Tandis que nous, là, à 4 ou 5, s'il y a Lilith en arrière-flanc, on retourne de nouveau aux forteresses après ça. Très bien. En se cachant un peu pour consumer ce qu'on a à faire pour Isabelle. Ok. Après, j'attends l'avis de mes compagnons. Hein. Peut-être qu'ils veulent s'échapper avec seulement 10 hommes, c'est possible. Hein. Moi, je suis blessé, donc je sais pas où j'en suis physiquement. Oui, mais là, c'est le plan qu'on avait prévu. Ah oui, le plan était ça, bien sûr, bien évident. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous faites avant du coup qu'on puisse interrompre cette scène ? Fouiller le cadavre. Ouais, moi je suis d'accord quand même avec Jacquard, il faut qu'on récupère tout ce qu'on a, enfin tout ce qu'ils ont, ce qui est utile on le garde et ce qui ne nous sera pas utile on le revendra pour se faire du fric. Tu vois qu'il y a un des anabaptistes qui dit on le garde dans le bateau ou vous repartez avec Dans ses mains il tient quelques rapières. et quelques armes à feu. Vous commencez à avoir un petit stock. Ce dont on n'a pas besoin, vous le ramenez avec vous et vous le vendrez sur Toulon. Ça s'ajoutera aux caisses de la sacristie. À vos ordres. On verra. On verra après, pour, mais c'est histoire de savoir où on range l'argent. Tu veux dire du groupe? Oui, mais ils n'ont pas accès à nos coffres. Ils ont seulement accès à ceux de la sacristie. Ouais, on repart. On réglera ça, il faut rentrer. Ok, ouais, ouais. Et faites attention à la nuit noire de Toulon. Il faudra sûrement surveiller le bateau pendant encore longtemps. Ils ne vont sûrement pas apprécier qu'on ait un de leurs bateaux. Sinon, tu changes, tu changes de pavillon. On change le nom. Change le pavillon. Mais le nom. Je pense pas qu'il y ait. Et si on emmenait à notre ami. Comment qu'il s'appelle Notre ami. On l'amène de nuit. Et on demande à notre ami, je sais plus comment il s'appelle. Ferrailleur. Oui, je cherche son nom. Dobry, là. De, avec les de cigarettes. Oui. Oui, Dobby. Bah, on lui demande d'or. Comme ça. Ah, il vient de nous le personnaliser, c'est ça? Mais ouais. Il va nous pimper. Pimper voilà. Les bottes. Okay. Et ouais, d'ailleurs, je pense que. On aura sûrement organisé le fait que le bateau devra revenir à un moment ou à un autre, pas dans cette ville directement, mais à celle juste au-dessus, j'ai encore oublié à casser. Ouais, pour le retour avec les hommes en plus qu'on aura une fois qu'on aura tout réglé, on va dire. Non mais déjà, je pense que tu changes le pavillon dans un sens et après le nom vite fait, et puis après on verra ce qu'on fait. Voilà. Petite question, Capitaine Führer, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Ils savent que c'est des anabaptistes qui les ont attaqués. Je ne veux pas amener plus de problèmes à Isabella qu'autre chose. Donc nous suivrons l'avis de Torik qui est de les faire couler au milieu de la Méditerranée. Ouais. Non, par pitié. Nous ne vous dénoncerons pas. Laissez-nous partir. Je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose pour nous convaincre de vous laisser en vie? Il y en a un qui dit je viens seulement d'avoir 18 ans, s'il vous plaît. Bon, le meilleur âge pour ouvrir. Oh, il est où votre argent? Sur le bateau. Où? Dans la cabine du capitaine. Il y a une clé? Sur le capitaine. Dans sa poche. Bah, dis donc, qu'est-ce que maintenant que je sais tout ça, qu'est-ce qui me convainc de te laisser en vie du coup? Vous aviez promis de nous laisser partir. T'es un juge, du con. Ah, mais vous êtes des pirates. Non, nous sommes marchands. Vous avez beaucoup de savoir-faire, non? Nous sommes des marchands, c'est vous les pirates, c'est vous qui venez nous aborder. Non, mais je veux savoir, est-ce que vous avez vraiment des vraies compétences de pirates? Est-ce que moi, je cherche des hommes pour se battre? Vous savez aborder un navire? Oui, bien sûr. Vous l'avez déjà fait? Oui. Ok. Eh bien, je vous condamne pour battre. Et je les exécute. Et puis voilà. Là-dessus, tu les exécutes sur le pont, les uns après les autres. Les quelques orgastiques d'ailleurs qui restent sont les récupérés, ceux que vous aviez dispersés en ville. Bon, à ce moment-là, c'est encore sur du non létal, hein, il me semble. Plus maintenant. Ouais. Bon. Prenez la... Je sais pas comment on dit dans le langage de marin. Prenez la mer et nous continuons notre chemin. Larguez les amarres. Voilà. Voilà, exactement. Hissez les voiles. Bon, ramenez-moi à la terre quand même. Hein. Nous laissez pas dedans. Et ça, c'est ça. Nous allons reprendre... Ah. Ce sera sûrement l'occasion peut-être d'utiliser, pourquoi pas... Bon, c'est pas moi, ça c'est en tant que joueur, je le dis, parce que je suis pas censé le savoir en tant que personnage. Mais peut-être que Torik, les trucs que t'avais achetés normalement pour Jacquard pourraient être utiles du coup pour toi et pour Reflux à la place. C'est ça. Et voilà, c'est en tant que joueur, je suis pas censé en parler. Bah, je pense que j'étais en train d'y penser. Une espèce de... Nous allons de reprendre huile, quelques jours plus tard. Au niveau des deux forteresses. Au niveau de... ce qui ressemble, en tout cas, à l'infirmerie de ces dernières, une salle sur laquelle sont disposés de nombreux lits, dans laquelle ont été disposés différents membres du groupe, évidemment, Efflux ainsi que Torik. Nous retrouvons notre petit groupe, composé également de l'élite. De ton côté, Torik, tu t'es vachement bien remis, vachement mieux que Efflux. Tes blessures étaient moins graves, ces dernières ayant en partie touché ton bras. De ton côté, Efflux, il y a ton bras, du coup, ton faux bras. Oui. Bon, voilà, ta prothèse. Moi aussi, j'ai un bras mécanique. Qu'est-ce que vous faites ? De quoi parlez-vous ? Ben moi, je vais parler de mon traitement. Alors, je suppose que peut-être celui qui s'est occupé de moi est celui que j'avais croisé pendant le repas. Mmh. J'imagine. Donc, si j'ai l'occasion de converser avec lui du traitement qu'on m'a fait, alors bien sûr, je vais pas lui demander les détails des décoctions, mais voilà, de savoir comment ils m'ont soigné, le process et tout. Enfin, typiquement, le médecin qui veut en apprendre un peu plus, voilà, des questions débiles, mais pour moi, c'est important. Eh bien, tout simplement, faisons appel à différentes méthodes de la médecine, somme toute traditionnelle, des bandages. Nous désinfectons les plaies à l'alcool. Lorsque nous en sommes capables, nous retirons la balle. Évidemment, on vous demande de boire un petit peu avant les dites opérations. Maintenant, la particularité que nous pourrions avoir comparée à un autre endroit, c'est simplement l'huile élyséenne qui imbibe actuellement vos bandages. Et qui saura sans doute vous faire reprendre plus vite que n'importe qui. Très intéressant, très intéressant. Ce serait très intéressant de savoir comment vous la faites, mais bon, j'ai bien compris que c'était un secret. Évidemment. Mais qui sait, un jour peut-être me ferez-vous confiance et me direz-vous comment elle est faite. Pas pour tout de suite, si vous voulez mon avis. Ouais, je suis content que vous soyez en état de parler en tout cas. Toujours. Et comment va mon ami Efflux? C'est un peu plus compliqué. Ah. Actuellement, Efflux est revenu à lui dans la nuit. Mais par moment, Stani vient à s'éteindre. À nouveau. Bon. Simplement, il s'endort, hein, il comate un peu. D'accord, vous me faites un peu peur. Non, pas s'éteindre comme un aspirateur que tu débrancherais. Oh, j'avoue que, bon, entre nous, mon ami est un petit peu spécial. Hein, on a l'impression de ne pas avoir affaire à un être humain. Mais est-ce que par hasard, il est impossible de le réveiller quand il dort comme ça? Si, bien sûr. Jacquard, il est sûrement à mon chevet. C'est en train de me mettre quelques cracks, quoi. C'est une vieille technique anabaptiste, ça. Merci, Jacquard, de tenir compagnie. T'as fait la même chose pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, reprends pas du ligne, Elisène, ça va te faire du bien. Ah non, ça se boit pas. D'ailleurs, Efflux est actuellement réveillé. Ah, il est juste. Bon, j'imagine qu'on doit être un ou deux lits à côté, quoi. Ouais, enfin, c'est ça. Bon, et Flux, alors ? Ça va ? Ça va. Et toi ? Bah écoute, a priori, ça va, ça a l'air d'aller mieux. Faut croire que la médecine anabaptiste n'est pas si mauvaise, après tout. Tant mieux. J'ai cru que j'allais y passer. Ouais. Je suis un dur à cuire. J'en faut un peu plus. Il faudrait peut-être que vous vous remettiez sur pied plus rapidement que ça, si vous ne voulez pas que ce soit Jacquard qui s'occupe de, du problème de Diamétane de la forteresse. Il n'y a pas de soucis, tu donnes un coup de main, Lito. Prenez votre temps, c'est bien, reposez-vous, reprenez des peurs. Non mais, juste Lito, vu que on doit se remettre sur pied rapidement, tu... Mais pas de soucis, tu le fais à ma place. Hein, tu... Attends, attends, tiens, Flux, prends des gilets lisène, toi aussi, ça va te faire du bien. Vas-y. Non. Mais comment vas-y. Sur l'arme, sur, la, sur le casque, sur le casque. C'est sur le masque. Ça va me faire du bien. Ah, je sens que mes circuits marchent vraiment beaucoup mieux. Non, je... Ça va lubrifier mes circuits. Je vais retourner dormir, je crois. Du coup, je demande rapidement, selon lui, combien de temps avant que je puisse sortir. Honnêtement, j'aimerais vous garder encore quelques jours, mais si jamais vous sortez, il faut me promettre de pas faire de quoi que ce soit d'insensé, aucune bagarre. Alors, comment dire ? Quelques jours, c'est-à-dire 2-3 jours ? Ouais, c'est ça. Alors, genre, j'imagine que tu es là, Lito. Hein, oui, je suis là. Lito, bon, comment te dire ? C'est le médecin qui parle. Je pense qu'il serait plus sérieux par rapport à ce qu'on doit faire, que je sois dans un état, et surtout que Efflux aussi soit dans un état convenable pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. 2-3 jours en soi, ça peut peut-être vous laisser le temps, peut-être un peu de faire du repérage et pendant que nous on se remet, et puis comme ça on pourra par la suite faire un plan. Qu'en pensez-vous? Ne perdons pas en efficacité, je sais comment nous allons faire. Moi okay. Et Jacquard, nous allons nous occuper du problème de Diamétane. Nous en parlerons lui et moi ensuite. Tandis que toi et Efflux, étant donné que vous êtes des gens cérébraux et que vous n'avez pas la capacité, enfin que vous n'avez pas la possibilité de vous battre en ce moment, je vous propose peut-être de travailler sur l'autre mission qui nous a été confiée, c'est-à-dire de trouver le démurge qui se cache dans les murs de ces forteresses. Les traîtres, les gens qui ne respectent pas les préceptes, impossible complot contre Isabella, ce genre de choses. Oui, pourquoi pas, okay. On pourrait justement se balader Lito, tranquillement. Comment définis-tu le démurge ? 2 minutes, je sors mon bloc-notes que j'avais fait. J'avais fait au tout début de la première campagne des Genesis sur laquelle j'avais noté tous les trucs qui pouvaient être intéressants. Je le ressens. Mais alors, je n'ai pas demandé à Mokosh de la première campagne. Je demande à Lito. Mokosh n'a jamais pris le temps d'écrire ou d'apprendre les définitions de qu'est-ce qui était quoi. Alors. Son Mokosh a tout appris de Lito. Donc, si Mokosh le sait, Lito le sait. Oui, mais ce que Lito sait, Mokosh ne le sait peut-être pas. Donc, le démurge, c'est simplement, c'est le mal, c'est la corruption. C'est-à-dire que, disons, pour vous expliquer les choses simplement, nous, les anabaptistes, nous croyons en la néognose, c'est-à-dire l'énergie spirituelle qui est présente partout, Dirandu qui garde le monde sur pied. Elle a des aspects, disons, positifs, donc il serait la pneuma, c'est le souffle de Dieu, c'est ce qui est bon. Et il y a le démurge qui incarne, disons, le mal principalement matériel de la corruption, de la maladie. En ce sens, on peut partir du principe que nous sommes assez proches des spitaliers dans notre vision de ce qu'incarne le mal. Le mal est purulent, le mal est une blessure infectée dans notre terre. Et c'est la corruption, elle peut être mentale aussi, elle peut être de tout bord. Chercher principalement ce qui pourrait porter atteinte au bien-être des anabaptistes en Franca, et notamment de la manière dont c'est organisé actuellement. Merci. À ce moment-là, des bruits de pas commencent à résonner dans le couloir derrière vous. Et deux anabaptistes en armure lourde apparaissent, ce qui est quelque chose qu'on voit très rarement. Entre les deux, ils appellent. Vous avez réussi à récupérer mon bateau en un temps record. Et ce, sans aucune victime de notre côté. Sans aucun mort. Ensuite, elle jette un coup d'œil aux deux autres. Je ne saurais pas dire s'il s'agit là d'une réussite qui a mal tourné ou d'un échec qui s'en est miraculeusement bien sorti. Dans tous les cas, le démiurge a été chassé de Perpignan. Vous avez rempli la moitié de la part du contrat. Qu'en est-il de l'autre moitié ? La seconde partie sera remplie bien vite. Nous y travaillons déjà. Bien. Bien. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Nous ne manquons pas, et mes amis non plus. Que faire? Ouais. Bon. Je propose que... Là, il est quelle heure, là, à peu près, dans la journée? Là, vous êtes en début de journée. Vous venez peut-être juste de manger le déjeuner. Je demande simplement si on peut, enfin que ce soit Efflux et moi, on puisse au moins, pas forcément rester alité, mais juste, tu sais, se balader dans la forteresse. Tranquillement, en fait, si on a le droit de sortir, mais de rester là, en fait. Est-ce que tu peux répéter, excuse-moi ? Juste, Efflux et moi, on a le droit de nous lever, enfin, de sortir de l'infirmerie, mais juste de rester dans la forteresse, juste pour se balader, pour machin, et revenir, genre, de temps à autre, pour faire un petit check-up à l'infirmerie, voilà, si on peut faire ça. Les Lycéens ne vous le recommandent pas, Orfeo ne le recommande pas, malgré tout, c'est vous qui décidez. Il va pas vous en empêcher. Ouais, donc on est vraiment pas forcément encore bien rétabli, quoi. Là, on doit avoir des... Après, moi, je te dirais, en tant que médecin, j'aurais tendance à suivre les conseils d'un autre médecin. S'il nous dit que on peut, à la limite, demain on a le droit de se lever sans trop être emmerdé, à la limite, je dis bon, écoute, ok, c'est une journée, quoi. aussi voir si on peut trouver des endroits, enfin genre, en fait si on a le droit de se déplacer genre à petit dos, genre sans l'idée qu'on puisse traîner maintenant partout parce qu'on n'est pas encore très enfant, peut-être trouver des endroits, je sais pas s'il y a une bibliothèque ou ce genre de lieu, tu sais, qu'on pourrait visiter en étant tranquille niveau corps, tu sais, passer une journée à déjà visiter ce genre de trucs, se renseigner. Je dis bibliothèque mais c'est un premier truc qui me venait en tête, hein. Mais c'était pour l'idée, quoi. Du coup, enfin, voir aussi si on peut aussi optimiser comme ça le déplacement, de dire, ok, on fait genre un déplacement à la journée, mais on passe le truc dans un lieu qui peut peut-être nous apprendre des trucs, et comme ça, on va pas trop s'épuiser. Il y a bien une bibliothèque. Ah, c'est intéressant déjà. Même si je suis pas sûr que pour trouver le dix murs immédiatement, ce soit très utile, mais d'un autre côté, moi, je suis très tenté quand même de voir ce qu'il en est. Il n'y a rien de mieux que le savoir pour déceler le démiurge, même si les orgastiques et fureurs ont tendance à l'oublier. C'est très sage comme parole. On peut toujours aller effectivement à la bibliothèque. Ouais, moi, je pense que ce serait pas mal. On va aller se renseigner, genre déjà passer une petite journée à se renseigner, et puis peut-être ça nous permettrait d'un peu mieux comprendre un peu... Quoi, les anabaptistes, voilà. Chelou, de voir aussi du coup un peu plus ce que peut être du coup la menace qu'on cherche. Mais si finalement les anabaptistes ne sont pas si loin d'hospitalier pour certaines choses. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre rendez-vous avec Isabella, peut-être, vu que c'est elle qui se doute de la présence du démurge. Peut-être que vous pourrez la questionner. Attention à la tension. Pardon. Voilà. Ok. Juste ne la... Prenez des pincettes avec... Je dis ça une fois que j'imagine que le médecin a quitté la pièce ou un truc comme ça. Hein, je vais pas discuter comme ça, mais... Prenez des pincettes avec Isabella. Elle est fatiguée. Elle a mené des guerres comme moi et des guerres sûrement plus dures. Moi, j'ai affronté des Diamétanes quand elle a affronté des aurores des marées. Elle a perdu l'homme qu'elle a choisi. Bref, elle est fatiguée. D'accord. On fera attention. C'est noté. Alors, connasse. Comme ça, c'est son mec, il s'est balancé du pont, hein. Et non, ouais. Et là, il me tranche la tête. C'est lui, le diverge. Et sur ce, moi, je pense que je quitte la pièce et j'emporte Jacquard avec moi. Et après, on va voir ce qu'on fait, tout le monde, de son côté. Très bien. Eh bien, justement, j'allais vous le demander. Que faites-vous? Vous n'avez actuellement aucune piste, aucun indice, rien. Donc vous partez vraiment de zéro. À vous de me dire par où est-ce que vous commencez. Quel sera le point de départ de cette investigation? Alors pour qui? Pour vous tous. Ah, vous tous. Nous, on va à la bibliothèque. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'on avait prévu. Voilà. Du côté des flux, ça devient plus compliqué de se déplacer, mais tu peux toujours lui ramener des livres. Moi, est-ce qu'on n'a pas genre une espèce de... Alors, je sais que c'est un peu futuriste, mais de fauteuil roulant dans lequel on pourrait me déplacer. Non, ils n'ont pas genre une planche avec une roulette. Genre. Non, je me demandais ce qu'on en fabrique. Hein. Non, mais j'y vais. Je vais à la biblio et puis je reviens de temps en temps. Enfin, je reviens avec des bouquins et on ziote, tu vois. Je t'avoue que Efflux est très frustré de ne pas pouvoir s'y rendre lui-même. Et aller voir tout ça. Regarde tes jambes, on est dans un état. Oui, non, mais il n'y a pas de reproche, c'est juste Efflux est très frustré. Alors, je te ramène des bouquins, t'inquiète. C'est de gentil. De ton côté, Thoric, tu fais donc le tour jusqu'à te rendre au niveau de la bibliothèque. Tu te perds une fois ou deux dans cette grande forteresse. Elle est très impressionnante et sur certains murs, tu aperçois des tableaux. Des tableaux représentant des combats, des anabaptistes pourfendant des créatures innommables, une espèce de gigantesque horreur tentaculaire se détachant de la pénombre. ou des Jametan empilés les uns sur les autres, leurs cadavres faisant comme une pyramide ou même un désert de corps étendu sur lequel marchent en triomphe les différents groupes. Okay. Au-delà de la peinture, tu as aussi plutôt des genres de gravures en noir et blanc représentant des visions d'horreur, probablement plutôt le démiurge. Et de l'autre côté, d'autres peintures, cette fois-ci beaucoup plus belles et poétiques, des paysages, des peintures mortes, de nature morte, pardon. Mmh. Tantôt, ouais, vraiment, c'est connaissance avec le démiurge, tantôt tu te rends du côté du paradis, de l'Éden et de la Néognose. Sur l'un des tableaux, tu aperçois même une foule armée de fourches et de torches chasser ce que tu n'avais pas réalisé dès le premier moment, mais que tu comprends finalement être des chroniqueurs fuyant. Certains ont même pris feu. Comme quoi, tu te dis que les temps ont changé et qu'aujourd'hui, les cultes qui se faisaient la guerre accueillent et soignent l'un de leurs anciens ennemis. C'est beau. Tu déambules dans ces couloirs de pierre, bien entretenus, nettoyés, où il fait frais. Tu croises évidemment différents soldats qui gardent les différentes entrées, ou même qui patrouillent tout simplement. Lorsque tu tournes au niveau de la bibliothèque, après avoir demandé plusieurs fois ton chemin, tu réalises qu'en réalité, ces dernières donnent au niveau du vitrail sur la salle de réception, la grande salle, la grande halle, le grand hall, pardon, où vous aviez par exemple mangé la dernière fois. Vous êtes donc probablement au-dessus du bureau, en tout cas de la salle privée appartenant à Isabella. Et tu vois des rangées de vieux livres disposés là, les uns les autres. Certains en cuir relié, avec un papier presque neuf, laissent entendre qu'ils ont été écrits récemment, que ce sont des récits de péripéties, ou simplement des préceptes anabaptistes. Tandis que d'autres plus vieux tendent même à te laisser penser qu'ils datent d'avant les chatons. Ah ouais. Le fameux événement qui aurait scindé l'histoire en deux il y a de là environ 500 ans. Dont tu ne sais très peu de choses, mais tu sais qu'il a eu lieu. Ils sont entreposés, classés. On a gravé dans le bois des lettres qui permettent de retrouver les différents livres. Ils ont été catégorisés. Pendant ce temps-là, Lito et Jacquard, qu'est-ce que vous faites ? Bon, ils sont où les Jametan là déjà? Les Jametan, ils sont un peu plus loin. C'est ça, ils sont plus loin. Ils sont à. Alors, tac. Ils rôdent le sol. Ils sont probablement à une bonne journée de. Oui, non, c'est pas là-bas qu'on va, non? Nous, on s'occupe de ceux qui sont autour des forteresses. Qui. Ah, pardon. Oui. On va pas là-bas pour déclarer la guerre. Hein. On doit s'occuper juste, c'est de ceux qui fouillent dans les champs là autour parce qu'ils veulent récupérer leurs morts et tout ça. Voilà. Ok, bien sûr. Et. Bah, après une dizaine d'hommes, on va leur péter la gueule. Voilà, à ce sujet, en chemin, je pense que du coup, je discute un peu avec Torik. Avec Jacquard. Torik, j'aurais pas. Je pense que ça va. Avec Jacquard, et je lui dis simplement. Tu vois, Jacquard, il y a. Une certaine subtilité dans la mission que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas loin d'une grande ville Jametan et nous avons un passif belliqueux avec les Jametan. Oui. Et je ressens pour eux le même dégoût, je pense, que tu ressens toi aussi. Oui. Mais nous allons devoir régler ce problème de manière peut-être pas forcément pacifiste, mais en tout cas en évitant qu'il soit mortel. Un événement diplomatique mal géré pourrait tourner Isabella contre nous plutôt que de l'encourager à nous donner des troupes. Bah, c'est pour ça que je parlais de leur péter la gueule. Ouais. Voilà, simplement précisons cela. Vous marchez dans l'ombre de la cathédrale du bastion. Après avoir franchi la grande porte, vous passez l'enceinte des murs ornés de croix brisées et commencez à marcher le long des chemins sinueux qui se dressent au-dessus des champs où les ascètes travaillent la terre, autour desquels se trouvent, comme il y a une semaine, des groupes de Jemethan. Ils ont avec eux une espèce de charrette dans laquelle se trouvent de nombreux cadavres entassés les uns sur les autres. Leur père, probablement, déterré à même le sol, d'anciens soldats, ou simplement des proches. Lorsque vous commencez à vous approcher vers eux, de suite ils se montrent méfiants. Non. Qu'est-ce que vous voulez encore? On a le droit d'être ici. Laissez-nous, s'il vous plaît. Les cadavres, là, c'est... Du coup, j'imagine que la guerre entre les Anabaptistes et les Jemethan, ça fait quand même quelques années que c'est arrivé. Oui, mais ça s'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça, de souvenir, c'était il y a entre 5 et 10 ans. Ouais, donc on est d'accord que ça schlingue à max. C'est pas terrible. Okay. Vraiment, alors en effet, il y a une espèce d'odeur de charnier. Alors, les corps ont quand même été en grande partie décomposés. Ça a presque desséché, en effet. Mais il y a une espèce d'odeur immonde qui se répand dans l'air et qui a tendance à tourner avec le vent. Cependant, ça n'a pas l'air de les déranger. Bon, dernière fois que j'ai fait des négociations, ça n'a pas très bien tourné, je te laisse le faire. D'accord, nous allons voir comment nous pouvons avancer. Combien en avez-vous trouvé? 4 aujourd'hui, 3 hier, 4 avant-hier. Ils ont été des milliers à mourir. Des milliers? Au fur et à mesure des années. Mais vous faites de ce travail depuis? Quelques mois. Mais pas en permanence. Avec l'hiver, le sol devient trop froid, trop gelé. On a profité de l'été et de la chaleur qui le rend un peu plus meuble. Surtout après les orages. Vous voulez nous donner un coup de main? Non. On s'en serait douté. Si c'est pour nous demander de partir, on partira pas. Des morts, ça se respecte. Quel que soit leur culte. On fait de mal à personne. Et j'imagine de toute façon que vous ne souhaitez pas manger du blé qui aura poussé à même l'engrais des cadavres de vos ennemis. Non, en effet. Cela ne serait pas bon pour les récoltes. Alors pourquoi êtes-vous... Mais... Votre présence pose problème. Et je sais que nous sommes dans une impasse, évidemment. Voilà ce que je propose. Est-ce que vous avez un chef? Quelqu'un qui dirige votre petit projet d'excavation? On a été envoyé par l'un de nos supérieurs, mais vous doutez bien, il ne sera pas ici avec nous. J'y J'imagine que vous êtes dirigé depuis Hiro del Sol. C'est bien ça. On va peut-être falloir se rendre là-bas alors. Je me tourne vers Jacquard pour savoir si ça le dérange ou pas de faire une journée de marche. Non. Très bien. Nous partons donc en direction de vos dirigeants. Très bien. Attendez-vous à devoir rentrer chez vous sous peu. On va creuser plus vite alors. Je vais les laisser là-dessus. Et vous voulez pas connaître le nom du gars à qui vous devez vous adresser ? J'imagine qu'il se serait mis en avant lui-même une fois sur place, mais pourquoi pas ? Demandez Ismaël. Ismaël, ok. Bon courage avec le grand patron. Et Flux, une voix sinueuse et si flottante se fait entendre. Elle résonne dans cette pièce vide, très peu décorée, comme un écho qui se perd. T'es en vie? Évidemment que je suis en vie. Tu reconnais le timbre de Lilith. Ah. Est-ce que tu me vois ? À nouveau, la voix résonne. Je cherche un peu du regard, du coup. Tu tournes la tête à droite, à gauche, mais ne la trouves pas. Où es-tu ? D'un seul coup, du bruit commence à retentir et tu distingues que ce dernier provient de sous ton lit. La tête de cette dernière apparaît au niveau de ton pied. Enfin, de tes pieds. On n'en est pas encore là. Impressionnant, non ? Ouais ! J'aime bien. Comment t'as fait ça ? Eh bien, je me suis mis accroupi. J'ai fait le tour discrètement. Et lorsque j'étais en dessous, j'ai commencé à parler. Ouais, ouais, j'aime bien ce genre de petits trucs. Et justement, ça m'a donné une idée. Si je me souviens bien, ton codeur, là, il te permet de faire quoi exactement ? Tout plein de choses, notamment elle modifie la voix, comme tu peux l'entendre. Et tu peux la moduler un peu à ton choix. Quand je dis ça, j'essaie de moduler un peu la voix pour changer un peu la raison, sans le passer en mode vénère, évidemment. Mon but n'étant pas de l'agresser. Un petit peu mais je... Voilà, un petit peu de distorsion, histoire de... lui montrer un peu mon propos. Et à vrai dire, quand on arrive à bien maîtriser cet outil, ça peut même devenir une arme. Il y a quelque chose que j'aimerais te proposer. Je me doute, et je suis tout oui. Si je me rappelle bien... Ce petit bijou, on peut un peu l'utiliser de manière malléable. T'étais même capable de recopier des voix, non ? Alors, oui, mais... Oui. Effectivement, je suis capable de recopier une voix grâce à un module, mais... Les imiter. Ça reste aussi extrêmement puissant et qui doit être manié avec sagesse, tu sais. Elle se met à sourire. Qu'as-tu en tête ? Je veux que nous rassemblions tous les hommes de cette forteresse et que nous les envoyons sur Toulon. Tu veux te faire passer pour Isabella? Non. Pour Mokoche. On les réunit tous durant un banquet et tu te caches comme je viens de le faire. Tu prends la voix de Mokoche et les appelles comme un miracle qui aurait lieu. Comme si sa réincarnation même les appelait. Et tu leur dis que les fleuves sacrés vont se plonger jusqu'au delta du Rhône et abreuver les sillons qui mènent directement jusqu'à Toulon. Tu es très audacieuse, tu sais. T'acceptes ? Je ne ferai pas un tel plan sans l'aval de tout le groupe, évidemment. Ils vont dire non. Il y aura peut-être une raison pour laquelle ils vont dire non, tu sais. Et si tu te trouves convaincante, peut-être qu'ils diront oui. Mais ce n'est pas un acte anodin, et je ne suis pas du genre à agir dans le dos de ceux qui me font confiance. Et pourtant, t'es parmi l'une des personnes les plus discrètes de ce groupe. Il est vrai. Mais tu sais, c'est... Elle a un privilège que j'ai. Ah oui ? Oui. Pourquoi est-ce que tu te caches ? Tous les chroniqueurs se cachent-ils ? Non, les chroniqueurs ont plutôt la fâcheuse tendance de se mettre en avant. Il faut dire que nous avons, à raison, je pense, une certaine technologie qui nous permet d'être, ma foi, fort intéressant, mais tu sais, la différence finalement entre un roi et un dieu, c'est que seuls les dieux ont le privilège de garder le silence. Toi, tu ne parles pas. Je parle quand c'est nécessaire. Et à vrai dire, le groupe, de toute façon, a une certaine tendance à ne pas forcément être forcément aligné à ce en quoi je crois le plus. Et qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la... Comment te dire ? Le fait de lutter pour la dignité des femmes. C'est pour moi le seul combat qui pour l'instant vaut le coup. Pour l'instant, c'est toi qui as l'air plutôt faible. Je suis malheureusement pas invincible. Mais de ce que je sache, pour l'instant, je suis toujours là, donc c'est que... Ça va. Et si tu venais à mourir, on pourrait enfin enlever ton masque. Alors déjà, ça ne fait pas partie de mes plans de mourir. Et quand bien même cela arriverait, ce que je ne pense pour l'instant impossible, il faudra être prudent, disons. Ma tenue a plutôt tendance à agir de manière mécanique au fait d'une action extérieure. Mais si jamais on arrivait à traverser cette sécurité, est-ce que toi, depuis l'au-delà... Comment tu te sentirais ? Enfin, le paradis des dieux, ou je sais pas si j'ai vraiment bien compris, mais... Écoute, si je suis mort, c'est que visiblement ma destinée est accomplie. Et à partir de là, ma véritable nature n'aura plus vraiment d'importance, étant donné qu'elle sera connue de tous. Mais du coup, pour l'instant, personne s'est quitté. Combien de gens t'ont vu sans ton masque ? Tout le monde sait qui je suis. Je suis Efflux. Non, mais qui tu es vraiment ? Tu penses que le masque n'est pas qui je suis ? Eh ben, y a quelqu'un sous ce masque. Il n'y a personne sous ce masque. Je suis Efflux. Et je suis entièrement ce que j'ai l'air d'être. Tu veux dire que t'es pas humain ? Tu sais, je n'ai aucun souvenir d'avoir été autre chose que Efflux. Autre chose qu'un chroniqueur élevé dans l'idée d'être celui qui pourra réactiver le flux, celui qui est finalement le chroniqueur le plus à même d'être un lien entre la divinité et l'humanité. Moi aussi j'ai un souvenir. Dis-moi. La première fois qu'on s'est vu. La première fois que je t'ai réellement vu. J'ai eu l'impression de t'avoir percé à jour. Ah bon. Et depuis, c'est comme si j'étais la personne qui te connaissait le plus dans ce groupe. Tu vois qu'à ce moment-là, elle fait le tour et se rapproche plus au niveau de ton visage. Enfin, ton visage, en regardant une certaine distance quand même. Elle va pas te susurrer ses mots à l'oreille non plus. C'est étrange. Je pense que toi-même, tu t'en rappelles pas. De quoi parles-tu ? Tu avais quitté le reste du groupe un peu plus tôt, tandis que moi je vous observais depuis cet arbre qui donnait sur la sacristie. Avec toi, t'avais un seau et une serviette. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que tu t'étais bandé les yeux avant de te laver. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, je sais qui tu es. C'est là que tu te trompes. Tu ne sais pas qui je suis et c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Je ne suis rien d'autre qu'Efflux.